Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même les dimanches. La violence comme mécanisme, comme mouvement de l'inconscient, un point comme un cri, du sang comme une révélation. Des yeux s'ouvrent, la lumière fut et resta, aveuglante, accusatrice. Symbiose de Jocelyn Pelletier, une production de Tectonique en collaboration avec Premier Acte, présentée du 20 au 31 janvier à 20h à Premier Acte. Éclairer l'obscur, le cacher, sans avoir peur de ce que ça implique, ce que ça provoque. Bien en vente sur Billettech au 643-8131 ou sur billettech.com. Information, premieracte.ca. L'inconscient collectif au grand jour, la violence. Comme bombe sur nos frustrations, nos incertitudes, notre condition d'humain civilisé tournée au quart de tour. Une présentation de l'Intermarché Saint-Roch, du bar Le Sacrilège et de la Caisse populaire des Jardins de Québec. C'est le retour du Club des 144. À gagner, 12 crédits voyage de 1 500 $ à l'agence de voyage Solange Goulet. 40 certificats cadeaux de 50 $ dans les établissements suivants. Restaurant Pop d'Orsay, Restaurant Poisson d'Avril, La Caserne du Lin, Sillon le Disquaire, Resto-Bar Le Cercle, Café Nagua, Bar Le Sacrilège, Michel Bilodeau, coiffure et styliste. 144 $ le billet, seulement 325 billets d'émis. Vous avez jusqu'au 9 février pour acheter votre billet. 640-2575 poste 201 ou ckrl.qc.ca. Autorisé par la Régie des alcools, des courses et des jeux. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bonsoir et bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Encore ce soir, je vous ai trouvé de la bonne musique qui est disponible gratuitement sur Internet, donc ça m'étonnerait fort que vous entendiez ça sur d'autres radios. Il y a seulement, je pense, CKRL qui peut faire un genre de diffusion du genre. Donc, on va débuter avec une étiquette qui vient de Eugene, en Oregon, c'est l'étiquette Qubit Sound, une étiquette donc vraiment intéressante qui donne surtout dans un son qui se rapproche dans le dub. Je vais vous faire écouter trois pièces par trois artistes différents. On va débuter avec Sound Sculpture Project. C'est un artiste du Chili. Je vous fais entendre sa pièce Phase One. Ça va être suivi par A de Large, un artiste qui vient de l'Uruguay mais qui reste maintenant aux États-Unis. Donc, je vous fais passer sa pièce Estribo. Puis ensuite de ça, de la Lituanie, je vous fais passer une pièce de Vitas Merkel. Sa pièce s'appelle Lunatism. Si vous voulez me rejoindre pendant l'émission, vous pouvez m'appeler au 640-1586 si vous avez des questions. Ou vous pouvez vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc ça peut vous aider à répondre aux questions. On débute avec Sound Sculpture Project. Thank you.

On avait débuté l'émission avec un peu de techno minimal sur l'étiquette Qubit Sound. On vient tout juste d'entendre Vitas Merkel, sa pièce Lunatism. Donc, Vitas Merkel qui vient de la Lituanie. Avant ça, de l'Uruguay, il s'agit de l'artiste A de Large, c'était sa pièce Estrebo. Puis on avait débuté l'émission avec Sounds Culture Project, un groupe, plutôt un artiste qui vient du Chili. C'était sa pièce Phase One. Donc, je vous répète, des artistes sur l'étiquette Qubit Sound, une étiquette qui vient de Eugene, en Oregon. Pour poursuivre l'émission Web Musique, je vais vous faire passer deux pièces qui sont sur l'album. A Light in the Abyss, c'est par l'artiste Mats, un artiste qui vient de la Polynésie. C'est un peu de musique à tendance dub. Donc, c'est sur l'étiquette Deep in Dub, une étiquette italienne. Je vous fais passer la première pièce qui s'appelle Elastic Time. Ça va être suivi par La Porte sans Porte. Donc, l'artiste s'appelle Mats à Web Music. We'll be right back.

Yeah. C'était la pièce Hoop Shoop, précédée par la pièce Greenland. Donc, deux pièces qui sont par le groupe ukrainien Gazprom. Les deux pièces se retrouvent sur l'album Lazy. C'était sur l'étiquette Edphonica, une étiquette qui doit compter plus d'une soixantaine d'albums. Donc, je vous invite à aller voir, venir faire un petit tour de leur côté. Pour poursuivre, on va délaisser un peu l'électronique. Je vous fais passer une pièce de rock vraiment planant qui finit presque, ben pas presque, mais qui finit vraiment heavy metal, donc une bonne progression. Le groupe s'appelle Pet Slimmers of the Year. C'est un groupe qui vient de l'Angleterre. C'est sur l'étiquette Lost Children. Je vous fais passer la pièce One Down. C'était la pièce One Down par le groupe anglais Pet Slimmers of the Year. C'était sur l'étiquette Lost Children. C'est déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les pièces que vous avez entendues à l'émission. Pour ça, ben, rien de plus facile. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusic.org. Vous allez avoir les liens pour télécharger les pièces. L'émission est également disponible en balado-diffusion. Donc, si vous avez manqué des bouts, ben, vous pouvez retourner et réécouter l'émission. Je vais vous laisser sur une dernière pièce par l'artiste hongrois de MWD. Je vous fais passer sa pièce Singing Forest. C'est sur l'étiquette Buddha Beats, une étiquette qui nous vient de la Hongrie. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. Bonne nuit! Thank you.